ce matin ce soir. Ce soir, chez Fatimata. Rendez-vous ce soir, chez Fatimata. Rendez-vous ce soir, chez Fatimata. Nous allons danser jusqu'à l'aube, mon ami. Rendez-vous ce soir, chez Fatimata. Ce soir, chez Fatimata. Rendez-vous ce soir, chez Fatimata. Rendez-vous ce soir, chez Fatimata. Rendez-vous ce soir, chez Fatimata. Nous allons danser jusqu'à l'aube, mon ami. Rendez-vous ce soir, chez Fatimata. Nous allons danser jusqu'à l'aube, mon ami. Hey! Nous allons danser ce soir jusqu'à l'aube, mon ami. Rendez-vous ce soir chez Fatimata. Rendez-vous ce soir chez Fatimata. Rendez-vous ce soir, chez Fatimata. Chez Fatimata. Chez Fatimata. Chez Fatimata.